petit loup. Comment tu vas ce soir? Ça va. Ça va très bien. Bon, alors c'est notre soirée pute. Notre soirée pute. Bon, je pense que... Y'a pas grand chose à dire. Non. Tu nous as interviens. À part que bah, ce soir, on passe que nos... Que les trucs dans lesquels on a un intérêt direct à ce que nous avons entendu par le plus grand nombre. Hein. Alors introduis ce que nous avons entendu. Bah, c'est... groupe assez méconnu, je dois dire, enfin injustement méconnu, qui s'appelle Dona, qui prend ses racines dans le terroir de Bourgogne, on sent, tu vois, cette... Voilà, et puis aujourd'hui, qui vise l'international, hein, je veux dire, on est en Suisse, en Angleterre... À Dubaï, enfin je veux dire, c'est mondialement reconnu. Et donc aujourd'hui, nous allons passer des choses dans lesquelles nous avons des intérêts directs, hein, aussi bien financier que monétaire et ou économique, mais aussi des habits. Exactement. Car ce ne sont pas les derniers à nous servir Bah, je veux dire, si tu veux briller en société, il faut par exemple savoir dire « Ah, mais Choub, je les connais, ce sont des amis à moi. » À toi donc. J'ai bien mis ou... The next one's gonna be awful. The last one was unlistenable. The fourth one's boring. The fourth one's boring. Here goes my snob song. Here goes my snob song. Chaîne direct avec un machin, je vous dirai quoi. C'est pas de Nîmes. Non. C'est pas de Nîmes, c'est de Strasbourg, enfin Mulhouse, enfin je sais pas, de l'Est. Et Gnocchi, par les Sun Plexus, c'est un peu leur tube. Franchement, c'est les amis qu'on rêverait d'avoir. J'ai quand même tout de même, j'ai mangé des nouilles une fois avec eux. On a partagé l'affiche d'un, d'un, un festival ensemble, voilà. Mais et donc ils sont géniaux et ces cons-là se sont séparés, figure-toi, c'est... Ah, c'est dramatique. Ah, ah, ah, ah, ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Showbiz, est-ce que je connais des mecs? Bah, je connais ouais, l'ingénieur du son de Sonic Youth. Ouh, et de Pavement. C'est tout. Bon, ok. Bon, moi, je connais pas trop les mecs suivants, mais c'est des Parisiens, c'est cool. Et surtout, t'as tous leurs disques qui sont gratos sur Internet. C'est les Snobs. Moi, je les ai côtoyés un peu sur les internets. Ah. Dans des forums. Et ils sont gentils ou ils sont. Bah, non, ils ont l'air très. À l'image de leur musique. D'accord. Un peu bordélique comme ça, mais très très gentil. Ok, allez! I miss you all by it's Sunday. I don't. ces types. Ils sont trop cool. Allez, on va finir avec des types très cool. Quand j'ai commencé le label, je me suis dit... Et fun, en plus. Et fun, ouais. Je me suis dit, ça, c'est vraiment le groupe avec lequel j'aimerais travailler. Et puis, ça s'est fait relativement rapidement. T'en fais un peu de la merde, hein, quand même. Non. On a droit de le dire. Non, non, c'est super cool. C'est super cool, The Funyers. Ouais. Et c'est sur quel label, déjà? C'est sur 3-4 Records, bien évidemment. Si je mets ça, il y a un peu... Oh!